matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours à l'écoute et que vous êtes dans les bouchons parce que c'est l'heure des bouchons à 18h, hein, bien évidemment. C'est l'heure, la terrible heure. On est bien d'accord. Autour de cette table, j'ai plein de monde. Je vais commencer par l'invité principal, c'est Teddy. C'est ça, hein, c'est bien ça. Teddy, ouais. Comment tu vas, Teddy? Bien le bonjour, et eh ben bien, et vous? Et toi, tu vas me tutoyer déjà. Et toi, sinon ça me fait un petit côté daron et voilà, j'ai mal à trois enfants quand même. Algérie. Ouais. Et on ne parle pas de quand je serai grand-père. Oula. Mais bon, ça sera il y a deux personnes qui sont mal à l'aise à cette idée. Hein. En effet. Jocelyn, alors oui, Teddy, tu fais quoi dans la vie? Pas grand chose en ce moment, je joue principalement donc aux jeux vidéo. D'accord. Bah, c'est voilà. Déjà bien. Oui. J'ai beaucoup plus que moi. Et c'est voilà. Exactement autant que moi. Et si t'avais été là la semaine dernière, t'aurais trouvé parce qu'on parlait des addictions et ils étaient incapables de trouver addiction aux jeux vidéo. C'est vrai. C'était vous. C'était nous. C'était nous. Nous-mêmes. C'était vous. Genre, t'as mis l'émission. Ah, c'était vous et les bolos là qu'ils avaient pas trouvé. Non, c'est bon. Jocelyn, ça va? Ça va bien. Comment s'est passée ta journée hier à Paris à boire et à dormir dans un cinéma? Et ben, ça s'est pas mal passé. Hein, ouais. Honnêtement, ça s'est pas mal passé. On a goûté quand même pas mal de. Qu'est-ce que tu faisais à Paris? On était à la Whisky Live, donc c'est un grand salon du whisky. Mais c'est tous les 3 mois, j'ai l'impression que tu fais les ça. Tous les ans! Non, mais j'ai l'impression que tu y étais il y a 3 mois, Non, j'avais soif aussi il y a 3 mois, donc je suis pas monté à Paris, mais j'ai bu à Paris. Voilà. J'ai pris Paris. J'ai pris un Paris pour boire. D'accord. Et j'ai perdu le Paris, j'ai bu. Mmh. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est bourré, si vous avez un pass UGC. Ah oui. Voilà. Pas UGC illimité. Moi, je me suis dit, ça se trouve, j'avais résilié, mais il m'a fonctionné encore. Je suis allé dans le MK2, j'ai dit, ça marche. Il m'a dit, oui. J'ai dit, il y a quoi comme séance? Elle a commencé depuis 5 minutes. J'y vais, je sais pas de quoi ça parlait. J'ai dormi pendant 2 heures. Voilà, et apparemment, c'est ça a ronflé dans tout l'hémicycle. Donc, pensez, c'était si vous êtes dans l'hémicycle. Si vous êtes bourré, oui, c'était, bizarre, d'accord, c'était à l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de monde autour de toi? On était. T'as il y avait pas mal de vieux. Monde, j'ai dû emmerder une bonne vingtaine de personnes, je pense. Ah ouais, mais apparemment, même. C'était vraiment énervé. Parce que j'étais avec un pote, il m'a dit, moi, j'ai pas dormi. Mais putain. C'est vrai qu'ils ronflent de. Putain. Je me suis réveillé, j'ai mal à la tête. Tu sais, j'en étais mal installé. On est mal installé au cinéma, faut le dire. Pour dormir, c'est pas top. D'accord, c'est voilà. C'est le conseil de la journée. Si vous êtes bourré, rien de tel qu'un MK2 pour s'installer et récupérer. Et après, t'es sorti, t'étais frais. J'étais sorti, je me suis senti sobre. Bizarre. Voilà, et t'as passé un bon film. James, ça va, James? Ça va pas du tout. Je suis de mauvaise humeur. Mais voilà. les anecdotes de Jocelyn m'ont remis le sourire et redonné envie de faire de la radio avec vous. J'étais à deux doigts de me casser, pour être honnête. Ah, c'est vrai. Ah, voilà. C'est quoi que tu te bats. Et toi, tu vas nous en raconter plein après ton voyage. Demain, tu pars à Bratislava. Ouais, j'y suis en ce moment même, d'ailleurs, à Bratislava. C'est vrai, j'ai pas l'impression, c'est ton... Mais oui, mais en fait, je suis en duplex. Ah, d'accord, voilà ce petit delta de temps. Et j'aurais très peu d'anecdotes, en général, quand je pars, j'ai peu d'anecdotes, moi. Parce qu'il faut savoir, on peut dire ce que tu fais dans la vie. Oui, je pars dans les pays étrangers. Pour jouer au poker. Voilà. Et après, je reviens. D'accord. Et Bratislava, c'est pas une pâtisserie? Si, oui. Non, c'est les baklava. Toujours. Ouais. C'est ça? Mais je sais plus. Baklava est la capitale, oui, de la Slovaquie. De Bratislava. Voilà, bref, on va enchaîner avec le journal. Je vais me mettre directement sur les infos parce que le petit Kiki m'a envoyé ça. Donc, pendant ce temps-là, je vous propose qu'on lance l'émission ensemble en lançant les infos. Les infos. Il est 18h passé de quelques minutes, c'est le journal présenté par Bibi, par Jocelyn et par James. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Avec James, Vladimir Poutine annonce la mobilisation pour toute personne ayant plus d'une heure de jeu de Call of Duty. Le président russe a annoncé qu'il procédera ensuite à la mobilisation des meilleurs joueurs du jeu Overwatch, puis League of Legends, puis FIFA, et il terminera enfin par les joueurs de Candy Crush. Grève des cadres au Louvre. Des centaines d'œuvres endommagées en tombant par terre. Les cadres protestent contre leurs conditions de travail, prétextant qu'avec la fermeture des lumières la nuit, beaucoup d'entre eux se sentent en insécurité. Ils souhaitent également être lustrés 2 fois par jour. Une manifestation est prévue samedi. La Vénus de Milo sera en tête du cortège, mais ne portera pas de pancarte. Et non, et on comprend pourquoi. Un petit espace météo, d'ailleurs, avant la météo. Météo, depuis ce matin, les gens qui sortent en short sont officiellement considérés comme des gens bizarres. C'est le Comité national de l'éthique vestimentaire qui a publié un décret ce matin. Vous êtes donc désormais en droit de les regarder bizarrement et de changer de trottoir lorsque vous les croisez. Polémique. Oh, on passe tout de suite aux informations locales. Avec... Oh oui. Oui, je mets le jingle quand même. Et on passe aux informations locales avec Jocelyn. Polémique à la convention annuelle des pompiers au Parc des Expos. La barre des pompiers a été utilisée en pole dance pour attirer de nouvelles recrues. Certains jugeront l'initiative bancale, mais le fait est qu'elle a porté ses fruits. 450 nouveaux inscrits auraient été recensés dès la première prestation de pole dance de Roger, le doyen de l'équipe. Le jardin éphémère de Nancy qui est installé, le jardin éphémère de la place Stanislas, va devenir définitif. Chaque année, c'est avec tristesse que les Nancéens voient leur bout de verdure disparaître de la Plastane. Mathieu Klein, dans une initiative éco-responsable, a décidé de transformer le jardin éphémère en jardin définitif. Et sera donc là en même temps que le sapin de Noël cet hiver. On peut préciser son deuxième prénom, Mathieu Calvin Klein. Mathieu Calvin Klein, en effet. Tout à fait. Et enfin, Metz, 6 mois après son ouverture, la rôtisserie de la place Saint-Louis a fermé. Triste sort pour la rôtisserie censée repeupler le centre-ville messin. La population végétarienne de plus en plus présente aurait eu raison du déversoir à saucisses de la place Saint-Louis. Merci pour ce Flash Info. On se retrouve pour le prochain Flash Info vers 18h30. Mais tout de suite, place à la météo. La météo. Puisque le soleil, plus rien ne donne. Puisque pour la première fois, tu frissonnes. Et de la soupe à la grimace, tu te badigeonnes. Puisqu'il n'y a plus de plage, de chouchou et de badminton, plus de voyages, de barbecue et de meufs bonnes, reste donc chez toi en autochtone, à jouer aux cartes avec ta daronne, à manger des tartes et de la bouffe nippone. Tout ça parce qu'on est enfin en automne. C'était la météo de Fadjet au microphone. Waouh. J'ai que ça à dire. Ah. Ah, c'est beau, ça t'a pris combien d'années à faire ça? J'ai fait ce matin en me réveillant. T'as fait ce matin en travaillant? Ouais. Wow. J'ai eu un flash comme ça, je me suis dit, oh, je vais faire ça. Mais retrouver tous mes poèmes de météo dans une petite compilation aux éditions Gallimard. On fera gagner aux grosses fesses, normalement, il me semble. Qu'on te fera gagner aux grosses fesses, dédicacées. Bien sûr. Par ma plume. On est jeudi combien aujourd'hui? Jeudi 29 jeudi septembre. Jeudi 29 septembre, c'est l'éphéméride. Qu'est-ce qui s'est passé un jeudi 29 septembre? C'est qui s'y colle? C'est moi. C'est toi, Jocelyn. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a échangé. Avant, FC, la météo et moi, l'éphéméride, dernière, et on a échangé. Je ne savais pas si c'était juste un essai. C'est définitif jusqu'à ce que Jocelyn change d'avis. Ouais, vu qu'il m'a bloqué, je ne peux pas lui dire que j'ai changé d'avis. Donc, pour l'instant, je fais l'éphéméride. Amy Winehouse, Addicted. Et on revient pour... Éphéméride. Tell your boyfriend next time he around to buy his own weed and don't wear my shit down. I wanna care if Fred will give me some more. I'd rather him leave you than leave him my drawer where you smoke all my weed, man. You got stuff called so I can't give mine, and you get yours. House Addicted. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. T'es perturbé de retrouver la voix de Camille? Bah oui, on était habitué à la nouvelle voix et maintenant Camille revient dans mes oreilles. Ce n'est pas pour me déplaire, mais évidemment. Attends, j'ai un autre jingle de truc. Attends, je vais t'en mettre un. C'est mieux ça? L'éphéméride de 18h sur Fadjet. C'est toujours la voix de Camille, qui est toujours du miel dans mes oreilles, bien évidemment. Oui, mais c'est plus elle qui se fait dans... C'est vrai, c'est un autre corps de chasse. Oui, oui. Pour les connaisseurs, c'est un corps qu'on appelle à flux interne. C'est vrai. D'accord. Merci pour cette information. Je peux commencer l'éphéméride? Bien sûr, on est un jeudi 29. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, le 29 septembre? Nous souhaitons une bonne fête à tous les Michel et aux Michel. Un prénom de moins en moins donné, mais c'est le nom de l'archange. Mais c'est un archange qui est très connu, Michel. Michael, oui. Non, les gens disent Michel. Hein. Michael. Ah bon? Archange Michael, quand je parle. Mm-hmm. Et bah, moi, il m'aurait dit par une lettre anonyme que c'était Michel. Comment tu sais que c'est lui si c'était anonyme, la lettre? Il a signé Michel. Bah, elle n'est pas anonyme du coup. Et c'est vrai. Cassé. Allez, hop. Bien eu. Ce que tu es mis là. Oh, j'ai pas aimé. En vrai, j'ai pas aimé. Et est-ce que j'ai le bruitage chute de corps là? Ah, oh, vas-y, mets-le. Putain, je l'ai pas. Attends, c'est vraiment de la belle production. Il a incité cet archange Jeanne d'Arc à faire sacrer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'il a fait, qu'il a incité Jeanne d'Arc? Soirée. Non. Une sacrée soirée? Une sacrée soirée, non. En fait, en lisant, je me suis dit que c'était forcément un animal, mais c'est, à mon avis, c'est pas un animal. Mais non, mais... Il a fait sacrer le dauphin à Reims. Et c'est pas un animal. Ah merde, non, tu vois. C'est ça qui ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais non, mais c'est le dauphin de la couronne. Mais oui. Putain, mais je me suis rendu compte que maintenant. Voilà. Moi, quand j'ai écrit mon éphéméride, je me suis dit, bah. Mais non, mais en fait, Jeanne d'Arc, elle a fait sacrer le roi, quoi. Enfin, et le dauphin. Le dauphin, c'est le deuxième. Oui, non, mais d'accord, mais c'est. Il n'y a pas rien à voir avec l'animal. Mais c'est comme chez Miss France, la dauphine. C'est pas, oui. C'est pas un animal. Mais là, c'était pas Jeanne d'Arc. Encore. Enfin bon. C'est comme les pommes dauphines. Il aurait incité à faire sacrer le dauphin de Reims. Il est aussi le saint patron des pâtissiers ainsi que des parachutistes. Oui, bien sûr. Mais vous saviez ça? Bah, du temps de Jeanne d'Arc, il y avait beaucoup de parachutistes. C'est comment vrai. Tu crois qu'ils ont repris Orléans tout et tout? Donc, l'archange Michel. Ils catapultaient des gens. Mireille. Et une fois qu'ils étaient en haut, pour redescendre, pour pas qu'ils s'écrasent, bah, ils avaient un parachute. Parachute. Donc, c'est normal, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Sinon, ils seraient morts. Ah oui? Bah, c'est ça. Bah, tout bêtement. Ouais. C'est le cheval de parachute. Le 29 septembre, c'est aussi le 272e jour de l'année, ce qui veut dire qu'on est à J-93 de finir l'année. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, vu comment on part 2022 et comment on finit 2022. Oh, oui, il faudra qu'on fasse une émission en fin d'année, d'ailleurs. Ah ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est aussi le jour de la mort d'Émile Zola et de Cheb Hasni. Est-ce que vous savez qui est Cheb Hasni? Cheb Mami, ouais. Ah oui. Cheb Hasni, tu connais? Non. Le roi de la rail? Oh là là. Le roi de du rail, non? Je sais pas. Mais le roi du rail. Les aventuriers du rail? Ça doit être ça. Bon. Ouais, ouais. Émile Zola, si vous ne le connaissez pas, il a écrit des livres, il est auteur des Rougon-Macquart, 20 romans sur une famille, c'est clairement l'ancêtre de la télé-réalité. Qui ne connaît pas ça? On n'est pas sur Radio Jéricho ici, les gens connaissent. Mais non, les gens ne connaissent pas. Émile Zola? Rougon-Macquart? Rougon-Macquart? Non, mais attends, Rougon-Macquart. Je connais Rougon-Macquart, mais non seulement il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui vont être insultés, qui croient qu'on ne connaît pas, quoi. Eh bien, est-ce que tu savais qu'Émile Zola, c'est une vraie information, cette fois que je tiens, a été comparé à plusieurs reprises à Benjamin Castaldi sur précurseur des télé-réalités avec les Rougon-Macquart? Waouh. Ça, c'est une info que je donne. Après, tu prends pas. Incroyable. Ça fait plaisir que ça vous a plu, cette petite éphéméride. Merci pour toutes ces informations qui se sont toutes passées. Qui se sont toutes passées le 29 septembre. Voilà. Je ne sais pas donner le dicton. Vous voulez le dicton quand même? Ouais, vas-y. À la Saint-Michel, cueille ton fruit tel quel. Voilà. Et ça, c'est repos. J'ai envie d'aller chasser quand j'entends ça, je te jure. J'ai envie de prendre le fusil et de tirer sur tout ce qui bouge. Oui. Non, je retire ce que je viens de dire, messieurs de la DGSI. Voilà, c'est ça, ouais. Le CSA. Oui, voilà, c'est DGCSA. Teddy est là avec nous. Teddy, tu es stagiaire. Et c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui pour toi. Je ne sais pas si tu en as conscience. Non. Mais on va t'en parler parce qu'on va te faire ton horoscope. D'accord. Mais pas maintenant, juste après Michael Jackson. Who is... Michel Jackson. Ah oui, Michel Archange Jackson. promises and secrets so untold. And she promised me forever, and the day we live as one. We made our vows, we live a life anew. And she promised me in secret that she'd love me for all time. It's a promise so untrue. Tell me, what will I do? And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right. Michael Archange Jackson. Who is it? La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Ça te perturbe maintenant que t'entends des anciennes voix, c'est ça hein? Ouais, c'est un mélange ouais, tout à fait détonnant. L'horoscope de 18h. Sur Fadjet. Avec ma musique préférée. Avec quoi? Avec ma musique. Ah, préférée. C'est le, ouais. Le Beethoven. Bach. Le Bach. Ouais. Bach. Toccata. Jean-Sébastien. Comment c'est? La. Toccata. Ah oui, la Toccata, oui, c'est vrai. Oui, Toccata. Sans le R. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La Toccata. La Toccata. Voilà. La Toccata. Décalé, tata. C'est ça. Toccati, toccata. Voilà, c'est le moment de l'horoscope. Et rien de mieux que Teddy, stagiaire ici à Fadjet, dont oui. La journée va être révolutionnée, mais ça, tu ne le sais pas encore. Et pour autant, c'est écrit dans les étoiles. Le ciel est couvert, on ne peut pas voir les étoiles, notamment parce qu'il fait jour. Et oui. Pour autant, ouais, merci. Et pour autant, ce soir, tu vas voir si des fois le ciel se libère, mais tu vas dire, mais oui, c'est une évidence, parce que tout est écrit dans l'horoscope. Tu es Bélier. Oui. C'est ça, Bélier. Et il ne le savait pas avant. Tu l'as deviné. Hein. Déjà. C'est vraiment incroyable déjà. Déjà. Ce don. Ouais, ouais. Et là, je prends travail. Et là, c'est écrit quoi? Véridique. Hein. C'est. Ah oui. Je lis ce qui est écrit. Des négociations à mener à bien. Oh. Des négociations à mener à bien, ça veut dire que quelque part, il y a un projet déjà. Est-ce que tu es au courant d'un projet aujourd'hui qui doit se faire ou pas? Bah pas vraiment, non. Donc c'est quelqu'un qui va t'entendre. Ah ouais, peut-être c'est ça. Et qui va t'appeler juste après. Et tu sais quoi? Je sens que c'est Radio Jéricho qui va t'appeler. Oh non, dis pas ça. Est-ce que t'es dit à l'art de la négoce? Pas vraiment. Tu négocies pas bien de base? Moyennement. Qu'est-ce qu'il dit l'horoscope? Ils disent vous saurez acheter ou vendre et gagner de l'argent. Ah donc si donc bah, en fait le gars il a défini il a défini le mot négocier en fait, genre voilà. Oh mince, il manque deux lignes, je vais rajouter la définition, comme ça passera. Attends, c'est un escroc ton mec, il lit les étoiles. Et, ou il... t'es dit en train de nous dire je ne sais pas négocier, je n'aime pas négocier, je vais à Radio il est en train Jéricho. De dire j'ai pas spécialement de projet qui amènerait une négociation. Et ton horoscope, ton escrologue, il est là, il dit genre oui t'inquiète, il y aura de la négociation frère. Non, c'est une honte, c'est alors une déjà, infamie. Déjà, j'ai calomnie. Pas un escrologue, c'est juste la transcription des étoiles, voilà. Déjà, tu sais, parfois les étoiles mentent. Qu'est-ce qui dit qu'au fond de lui, il a pas, pardon, je me mets en face du micro. Ouais, vas-y, qu'est-ce qui dit qu'au fond de lui, il a pas ça en lui, t'es dit. Mais là, c'est pas ça. Négoce. Mais c'est que pas. Le truc, c'est que les étoiles, parfois, ça ment. Les étoiles, c'est comme nous. Tu vois, des fois, ça a envie de faire le bien, ça a envie de dire aux gens, vas-y, c'est bien et tout, mais des fois, ça pense qu'à sa gueule, et ça a envie de se marrer quoi, aussi, tu vois. Et parfois, les étoiles, elles sont là, elles te disent, vas-y, va négocier, frère. Ouais. Alors qu'en fait, t'es juste en train d'acheter un poulet à la rôtisserie de Metz, qui a fermé, bordel. Le déversoir et donc, en fait, c'est pas ça. Et donc, du coup, tu ne peux même pas manger de poulet, tu peux même pas le négocier. Alors, okay, laisse-moi parler. Où est-ce que tu as mal aujourd'hui? Nulle part. T'as pas mal au cœur? T'as pas mal au dos? Au pas mal dos, non, c'est écrit dos douloureux. D'accord, voilà. Bon. Et ce soir, t'es sûr que t'es béni? Non, Teddy est très sympa. Teddy est très sympa, mais je pense que tu peux nous le dire. Tu n'as jamais eu de ta vie mal au dos? Si. Ouais, en gros, j'ai déjà eu des problèmes de dos. Ah, bon, des petits problèmes, voilà, des petits problèmes. Mais rien de grave. Voilà, rien de grave. Donc, c'est bien la preuve que. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment un problème avec l'astrologue ces derniers temps, parce que ça fait quelques temps que moi, je le dis pas, mais là, ça sort d'un coup. On sent que ça sort. C'est la qualité diminue de l'horoscope. Là où avant, c'est vrai que c'était très précis, très minutieux. Maintenant, on est vraiment plus dans du mal au dos. C'est tiens, fou, le mec, il a pris le docteur Maboul, il a pris n'importe quelle partie du corps. Okay, mal de cuisse. Alors, le juge arbitre, ça va être l'amour. D'accord? Ah. Ok, ça va être l'amour. Teddy, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu es célibataire? Célibataire. Tu es célibataire. Alors déjà, elle se présente bien. Une journée avec un grand J sur le plan sentimental. Il aurait été en couple, ça n'aurait pas été écrit ça. Tu vois? Moi, je m'appelle Jocelyn. Hein. Parce que ça veut. Attends, ce que tu sous-entends là, Tristan, c'est que quand tu es en couple, il n'y a jamais de journée avec un grand J. Quand t'es en couple, c'est ça que t'es en train mais de dire? Non, mais dis-le, arrête de te cacher derrière ton horoscope c'est vrai. Et réponds aux auditeurs, est-ce que tu n'as jamais de journée avec un grand J lorsque tu es en couple? Oui ou non? Allez, j'ai posé une question simple, les yeux dans les yeux. Et voilà. Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les mûres en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle des morts. printemps à l'heure des sorties de l'école. Quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisait goûter leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Quelle demeure les automnes quand sonnait l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, les chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle. Félix Thiéphen, la ruelle des morts. La matinale de 18h. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et oui, je vous mets de nouveaux jingles. Je me suis choqué à chaque fois. L'invité show business de 18h. Les esprits se sont calmés autour de cette table. Certains esprits se sont calmés. Oui. Alors, James n'en démord pas. Et nous avons invité l'horoscopiste de l'Est républicain. Jocelyn, bonjour. Jocelyn, c'était celui d'avant. Moi, Jocelyn Lune. Jocelyn Lune. Monsieur Lune. On m'appelle Monsieur Lune. J'écris les horoscopes. Jocelyn Lune. Monsieur Lune, on est déjà très très content que vous ayez pu rapidement accepter cette proposition d'interview. J'étais en bas, je l'avais lu que vous allez m'inviter. Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure les propos de James ici présent? Comment ne pas entendre? On est d'accord. Tout simplement, comment ne pas entendre? Alors allez-y, James. Non, mais c'est juste que, bon, moi, j'ai rien contre votre travail, à part que j'ai tout contre votre travail. Ah bah ça. Voilà, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on a Teddy qui est ici, oui. Qui a entendu son horoscope, on lui a dit de négocier des trucs, oui. On lui a dit qu'il allait avoir une journée J, donc maintenant, qu'est-ce qu'il a, Teddy? C'est qu'il a des attentes envers cette journée. Mais il peut en avoir. Ouais, d'accord, mais il est 18h30, d'accord. Oui. La journée est quasiment terminée. Oui. Teddy, tu me confirmes, oui. T'es couché vers quelle heure en général? 23h. 23h, voilà, 23h. Donc ça veut dire qu'il lui reste 4 heures. Oui. Il lui reste 4 heures pour avoir une belle journée. C'est, donc, du coup, qu'est-ce que... Voilà, vous avez mis des attentes chez les gens. Et derrière, bah, en fait, la plupart du temps, il ne se passe rien. Mais parce que, Monsieur James, je vais vous appeler Monsieur James, vous lisez mal l'horoscope. L'horoscope, c'est une métaphore, ce sont des images. Là, si je lis Bélier, bon, c'est moi qui l'écris, mais c'est je vais le relire. C'est le premier en haut. Des négociations à mener à bien, point. Des négociations menées à bien. Menées où? Vers où? Vers le lit, peut-être à 23h, mais peut-être qu'il voudra se coucher à 22h30, et là, la négociation sera prise en charge. Donc il va faire quoi? Il va négocier avec sa couette Mais c'est aussi des réflexions personnelles. On est sur, je mange quoi? Des pâtes carbo, ou alors plutôt des lasagnes. Une négociation rentre en cours, et là, voilà, nous réfléchissons, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Enfin, qu'est-ce que je peux aller acheter? Voilà. Ah oui, d'accord. C'est plus à prendre sur le... Sur le truc général, mais... Tout l'horoscope décrit la vie, ça c'est certain. La vie de Teddy est écrite noir sur blanc. L'amour, une journée avec un grand J, peut-être que c'est un grand J, c'est peut-être que c'est... Il rentrera en Jaguar et sa voiture sera peut-être vrombissante et ça, elle rentrera, voilà. C'est un grand J, le mot Jaguar. Donc là, vous êtes en train de dire que Teddy va rentrer en Jaguar. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je dis juste que le grand J peut être à assimiler, associé à différentes choses. Le J, c'est aussi... le jeu de cartes ou alors le Jenga. Peut-être un mot de Teddy par rapport à ses propos, parce que c'est oui. Par rapport à toi. En effet. Oui, bah, je n'ai pas grand-chose à dire. Enfin, mais tu penses qu'il peut encore arriver plein de choses d'ici. Bah, il s'est Bah, il s'est rien passé. Oui. Le grand J, je vois pas à quoi ça peut faire référence. Vous après, êtes amateur vous de jeux vidéo. Parlez bah, de jeux de cartes. Je joue beaucoup donc à Magic. Ah. Donc, peut-être que je vais faire une négociation sur Magic non, non, mais... et que ça va m'amener. Oui, oui, non, non, mais ne te fais pas avoir, Teddy, parce qu'il fait exactement. Teddy est très gentil. Teddy est très gentil et il se fait prendre au jeu des horoscopistes comme vous. Oui. C'est qu'en fait, vous balancez des mots jusqu'à ce qu'il y en ait un qui touche. Là, vous avez fait Jaguar, Jenga, et puis vous avez fini par tomber sur jeu de cartes. Oui. Et alors, à jeu de cartes, bim, là, ça a fait référence à un truc dans sa tête. Mais alors, c'est très facile. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Teddy, je vais le faire. Hein. On va prendre la lettre C. Je vais te dire. Corridor, couloir, carte. Ah tiens, carte. Ah, bah tu vois, ça marche aussi. Étonnant, tiens. Ouais. Tu vois, voilà. Donc bon, je suis peut-être horoscopiste aussi. J'entends bien, Monsieur James. Là, il y a santé, dos douloureux. Vous écoutez de la musique, peut-être, Teddy? Oui. Vous écoutez de la musique. Dans la musique, il y a certaines notes. Et des fois, des notes font plus mal que d'autres. Et un dos. Des fois, non, vous l'avez écrit DOS. Hein. Moi, je constate juste un truc, c'est qu'il sait pas lire son horoscope. Alors, c'est moi, Monsieur Lune. Écrit... Il faudrait peut-être que ça soit Monsieur Lunette. Non, mais c'est le dos. Excusez-moi. C'est le dos de chaque octave. Déjà. C'est pour ça le qu'il dos de chaque octave. Non, dos, c'est invariable. Dos, c'est invariable. Bien sûr, dos est invariable. Dans l'horoscope, eh oui, monsieur. Et eh oui, monsieur, dos est invariable. On peut pas continuer indéfiniment. Il y aurait tellement encore à raconter parce que là, on a ouvert une boîte de Pandore. Comment t'es dit? Oui, rien. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Mais de rien, si je peux éclaircir le moindre fait d'ombre bien de sûr. Mes horoscopes, je serai là. Et je pense qu'on n'hésitera pas à vous faire venir plus souvent, monsieur Lune, pour notamment contrecarrer des pseudo-arguments prétextes. Je le dis tout de suite, hein, s'il revient dans cette émission, je démissionne. Et ben on verra. Et j'invite tous les auditeurs à me soutenir en n'écoutant pas cette émission. Non, vous verrez que la plupart des gens n'écoutent pas, et donc du coup, qu'ils me soutiennent. Oui, de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute. Et voilà, donc j'ai raison. Aurais juste une question. Oui. Dites-moi tout, monsieur Télé. Est-ce que pour la prochaine édition, il serait possible de faire plus ciblé sur les gens? Ah bah tout dépendra de qui aura... Personnalisé, quoi. Voilà, moi je peux faire du porte-à-porte, je peux venir parler avec vous et vous donner votre avenir en lisant les étoiles, bien sûr. Ensuite, là, aujourd'hui, je ne savais pas que vous alliez venir, je ne savais pas que James voilà. allait être remonté et que Tristan allait être à l'écoute. On va retenir ça, d'accord. Peut-être des horoscopes un peu plus ciblés sur les personnes. Merci beaucoup pour l'intervention de tout le monde. On est très en retard, c'est bientôt l'heure du journal, après un petit Red Hot Chili Pepper qui dure quand même 4 minutes 38. Snow! To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh, I got your head. sur son temps. C'était Red Hot Chili Pepper. Il est 18h, très très en retard, 30 et plein de plus. C'est le journal Deuxième Flash Info présenté par James et par Jocelyn et par Bibi. On commence tout de suite avec les informations nationales et internationales. Avec James, Mickey serait la cible d'une main courante de Minnie pour des violences conjugales. Du rififi chez Disney, la compagnie de l'iconique souris a donc jeté un énorme pavé dans la mare en accusant son mari de comportement déplacé. Mickey a été joint par nos confrères de l'AFP, nous l'écoutons. Oui, c'est scandaleux. Voilà. Merci, merci, merci. Vladimir Poutine sur le point de prendre la tête au classement des grands méchants du 21e siècle. Le président russe n'est plus qu'à 2 points de Ben Laden, confortablement en tête depuis le début de la saison. Côté français, c'est toujours très très faible, hein, puisque Jean-Marie Le Pen a encore reculé au classement, devenant de plus en plus le vieil arsénile un peu rigolo quand même, qui lui fait perdre beaucoup de points. Ce côté rigolo lui coûte des points, effectivement. Ouais. Et enfin, pour se remettre sur le devant de la scène, Manuel Valls annonce qu'il va commencer les castings pour son propre biopic. L'ancien Premier ministre a annoncé qu'il serait le réalisateur et qu'il aimerait voir Jean Dujardin incarner son rôle. On parle également pour le rôle principal d'une étoile montante du cinéma français en la personne d'un certain Tristan M. Quelle drôle d'idée. Ça alors ? Bah oui, oui, oui. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. C'était la fête du potimarron le week-end dernier à Lunéville et les associés ont décidé qu'il fallait changer de nom pour rajeunir la clientèle. C'est par le sobriquet Curcubit Festival qu'il faudra appeler la fête des amoureux du potimarron. Les jeunes sont fous des mots à sonorité rigolote. À noter que dans le mot curcubit, nous avons à la suite le verbe curé et les mots cul ainsi que bit. Les jeunes seront en transe, annoncé le maire de Lunéville. Hashtag lolol. Théâtre d'improvisation, garde à vue du président de l'association Aphrodisiaque. Le dernier spectacle n'aurait pas été improvisé. Après une perquisition musclée au domicile du président de l'association d'improvisation numéro 1 de Nancy, un scénario a été retrouvé comportant le dernier spectacle censé être improvisé au rire près. Déjà que le doute planait sur le talent de cette association, un collectif de spectateurs a été monté pour porter plainte et exiger un remboursement intégral de leur place. Et enfin, Shakira, qui est dyslexique, nommée au prochain Energy Music Awards, se retrouve au NJP à la Pépinière pour recevoir son prix. Quelle ne fut pas la surprise de l'artiste se retrouvant au parc de la Pep à chercher une loge, mais le niveau d'anglais étant très bas à Nancy, elle a retroussé chemin et s'est installée à l'Ibis Budget de la gare et n'ose plus sortir de sa chambre tant qu'on ne lui aurait pas donné son trophée. Merci beaucoup pour ces informations. On passe tout de suite à la météo. La météo. Mesdames, messieurs, bonsoir. Au programme de la météo de ce soir, de la pluie qui sera la star, qui sera la reine de cette météo aujourd'hui. Elle habillera tout le pourtour de Nancy ainsi que les alentours de Metz. De Fadjet, vous étiez présenté par moi-même. Et bah. Et je te laisse. Je m'excuse, c'est parce qu'en fait, j'avais écrit un texte, mais je l'ai supprimé là à l'instant. Et donc, du coup, j'ai plus de texte et je suis dépourvu. Et donc, j'ai dû faire avec les moyens du bord. L'impro, c'est un art qui n'est pas donné à tout le monde. C'est merci, vrai. James, pour cette météo. Pépé James, on va t'appeler d'ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà. J'avais plein de blagues et tout, mais j'ai perdu. C'est ballot. Si tu la retrouves, ta météo est faite pendant 15 jours, 3 semaines même. C'est vrai. Voilà. Les grosses fesses, c'est l'émission phare de cette émission de la matinée. Finale de 18h. Alors là, c'est mon choix. The Police. Every little thing she does is magic. We'll be right back. someday and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears will burn me long before I reach the floor, long before my tongue has stripped me. Must I always be every little thing she does is magic. Everything that she do just turn me on. Even though my love before was tragic, now I know I never heard those songs. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my love before was tragic, now I know my love for her goes on. The Police, j'adore cette chanson. Every little thing she does is magic. Ah, tu le dis bien aussi. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Bienvenue au retour de l'émission Les Grosses Fesses, l'émission phare de la matinale de 18h. Tout simplement. Des questions sur l'actualité de la semaine dernière. Ça, c'était Jocelyn. Bah oui, ça tousse énormément dans ce studio. Ça, c'est vrai. Affreusement. Ah, ça se Covid un petit peu. Ça tousse plus que ça bosse. Hein. Oh là là. Oh oui, et qu'est-ce que ça bosse pas. C'est vrai, c'est vrai. Teddy, ça va? Oui, oui. Bon, très bien. Tu prends ton pied parfait. Dans cette matinale oui. De 18h. Tant mieux. Alors là, c'est, je t'explique un peu le concept. Hein. Ce sont des questions que je pose et qui reposent sur des informations de l'actualité de la semaine dernière. Et on va voir si vous êtes au fait, les petits-enfants. Si je vous parle de Tang Yu, est-ce que ça vous parle, Tang Yu? Toi, tu dois peut-être connaître en plus, Teddy, parce que c'est une boîte qui est... Alors, elle est PDG. Ne cherche pas. Pourquoi tu regardes les réponses, toi? Je regarde pas les réponses, je regarde la feuille sur laquelle tu as écrit, qui est même pas une feuille blanche préparée. Non, c'était une espèce de brouillon. D'accord, je recycle. Tang Yu, qui est Tang PDG. Yu. Ah, c'est pour dire bonjour, merci, en anglais. Ouais, mais non, pas du tout. Mais c'est vrai en plus, on aurait pu se dire. Non, c'est la PDG de NetDragon Websoft. C'est une grosse boîte de Websoft, enfin de logiciels de jeux vidéo d'ailleurs, en Chine. Et quelle est la particularité de Tang Yu, T-A-N-G? En tant que personne ou en tant que PDG? Alors justement, en tant que personne. D'accord, genre elle a deux têtes ou un trois truc comme bras, ça, quoi. Moi j'allais dire peut-être. Alors tu peux parler de deux têtes ou trois bras parce trois que bois. En fait on ne sait pas. On l'a jamais vu. Ressemble. On l'a jamais vu. On l'a vu sans la voir. Enfin, est-ce que c'est vraiment son apparence? On ne sait pas. Mais comment ça? Mais elle est, c'est une IA? C'est une comment? C'est une IA, mais oui, trop fort. Tang Yu, c'est une IA, c'est intelligence artificielle. Artificielle, effectivement. Ah, ça me passionne. Ce sujet-là me passionne en ce moment. C'est trop bien. Les intelligences artificielles. Comment c'est possible d'être PDG? Enfin, que moi, je me fais contrôler par une IA, je me sens pas bien. Eh ben, dans l'article, il est précisé que la main humaine peut réintervenir, hein, mais c'est zéro salaire, zéro mutuelle, zéro. Et voilà. C'est surtout la plupart du temps des meilleures décisions que les humains en prennent, en fait. Peut-être. Plus rapide. Plus rapide. Non, mais par exemple, dans la médecine, t'as déjà des robots, des IA médecins qui prennent des meilleures décisions, c'est mesuré, etc., avec des médecins, en fait. Ça existe déjà. C'est arrive. C'est normal, ça arrive même dans des domaines où on n'imaginait pas que ça arriverait. Par exemple, dans la psy, tu as des médecins qui vont déjà être psychiatres, enfin des médecins, des IA qui peuvent être psychiatres, qui peuvent analyser des trucs, faire des stats en fonction des patients. Après, ça pose des énormément de problèmes. Bon, bref, c'est un sujet qui me passionne. Émission, pardon, mais c'est un sujet bien, exceptionnel. Nous ferons une émission entièrement dédiée. Comment ? Est-ce qu'ils peuvent faire les ordonnances ? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense que non, parce que c'est, ça doit être la main humaine qui le fait, ça. Mais, enfin, est-ce voilà. que Thank You va être licencié à un moment donné ? Est-ce qu'il va y avoir un préavis ? Ah ouais, combien de mois ? Non, mais tu sais, dans quelques années, il y aura les droits des robots, les droits des IA, tout ça, ça va paraître. Hein. Peut-être. Peut-être, voilà. Effectivement. C'est le futur. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que. Bravo, tu répondes aussi vite, Jocelyn. Pardon. Un point. Ben non, mais bravo à toi. Un point pour Jocelyn. Et tu me déçois, Teddy. Là-dessus, toi, t'es le roi des games, des jeux vidéo. Et là, complètement à l'ouest. C'est parce que l'intelligence de Jocelyn n'est pas artificielle. Eh oui, c'est vrai. Tristan voilà. est juste vrai. Déçu. Oui, c'est. Ouais, clairement, là, je suis déçu. J'ai même fait mon petit effet. Mais bon, peut-être que t'as entendu la matinale, la vraie matinale de lundi matin, parce qu'on en a parlé. C'était à quelle heure ? C'était. Ouais, voilà, d'accord. Donc, non. Donc, c'est sûr que non. C'est tellement tôt qu'on croit qu'on est la veille. C'est bizarre. Ah, mais j'étais très réveillé alors. Ah, c'est fort. Hein. Ah, c'est fort. Oui, bah oui. Une autre, alors beaucoup plus terre à terre. Le match de rugby fédéral 2 entre Saint-Sulpice et Millau. Ah oui, toi, tu sais nous intéresser, toi. Alors, ce match-là a été reporté et normalement devrait être inversé. Il devrait se jouer à Millau plutôt qu'à Saint-Sulpice. Et plutôt, est-ce que vous savez pourquoi ? Bien, écoutez, c'est tout simplement parce que le viaduc de Millau. Oh là là. Il est magnifique, et les gens de Saint-Sulpice ont envie de le voir, et donc du coup ils vont jouer là-bas. Alors c'est pas ça, c'est vraiment par rapport au terrain en lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé avec le terrain ? Il y a plus d'herbe à Saint-Sulpice. Il y a de l'herbe. Est-ce qu'il y a une autre activité qui a été pratiquée à la place ? Non. Donc c'est un truc naturel. C'est un truc naturel qui s'est passé. C'est par exemple des vaches qui ont déféqué. Alors, sur ce. Ce ne sont pas des vaches. Ce sont des moutons. Chevaux. Ce sont pas des chevaux ni des moutons. Ah, les pigeons. Non, ça vole pas. Des cochons. Non plus. Non. Donc c'est bien, fait, on est bien sur des excréments animaliers. On n'est pas du tout sur des excréments et en fait le problème c'est que ça génère des entorses pour les joueurs. Ah, c'est les trous de taupe. Il y a trop de trous de taupe. Alors il y a des trous mais c'est pas de taupe. Les trous de taupe. Là, les trous de chien truffier. Non plus. De cochon truffier. Il y a quoi qui viendrait faire les cochons truffiers. Les sangliers. Ils sont les sangliers. Ah oui, c'est vrai qu'ils pourraient, effectivement, mais non. Alors c'est non, des animaux sauvages. Hein. Des biches. Des belettes. Non. Des renards. Non. Des loups. Qu'est-ce qui. Alors des lapins. On est sur des terriers. Oui. Des lapins. Teddy, bien joué. Ce sont des lapins, qui ont vendangé un petit peu le terrain. Vendangé. Bah, ils ont fait des terriers quoi. Donc, voilà. Ils ont terrifié. Ouais, ils ont terrifié, et ce qui fait que dans une course, tu mets le pied dans un trou et tu dis au revoir à ta cheville. Cela dit, c'est déjà bien pour mettre le ballon quand tu tires la pénalité. C'est ça. Ah oui, c'est pas faux. Pas mal. Le tee, il est pas mal. Le tee, ouais, effectivement. Ah, le tee. Ah ouais, il est pas mal. Le cup of tea. Le titi lapin. Et voilà. Oh, bah oui. Bah oui. Alors, on se refait une petite musique et puis on se retrouve pour la suite. Ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? Eh bien, la météo ? Je peux vous faire Eddie Mitchell, Mentalo ? Ah ouais, oui, allez, vas-y. Je suis trop beau, des yeux couleur Mentalo. Merci. J'enlève le micro. 50 Cent in the club. Oh yeah. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Oh yeah. Go, go, go, go, go, go, shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you select them and them, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, Michelle, they tell you I'm local. Yeah. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. Okay. Find me in the club, Bottle full of bub, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm the cat by the bar, toastin' to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My junk get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eyes to chicks, if she smiles, she gone. Hit the roof on fire, man, just let it burn. If they're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, neither. We in the club on time, it's a prop, pop on. Shady aftermath. Fifty cents. D'ailleurs, pas de S. 50 Cent. Non, non. In the club. Ah non, c'est pas ça. Ah bah oui, j'ai même pas mis le la suite. Ah bah si, c'est ça, mais en fait pourquoi ça redémarre depuis? Ah voilà, j'en remets la musique. Voilà. C'est excusez-nous. Voilà. C'est une petite production en platine. Et c'est la suite et fin de l'émission des grosses fesses, les grosses fesses, l'actualité sous forme de questions, et on part, je vous dis pas dans quel pays, qui est Giorgia Meloni? C'est la nouvelle première ministre italienne. Ah, bah oui, c'est sûr. Enfin, c'est pas encore fait d'ailleurs, c'est pas, puisque c'est le président de la République qui définit, mais, alors vas-y, je te laisse expliquer. J'ai rien d'autre à dire que ça, c'est une italienne, elle s'appelle Meloni, en français ça veut dire melon. Voilà. Elle a un gros melon. Voilà, que je peux dire. Elle est d'extrême droite, apparemment. Elle fait partie du groupe Fratelli Italia. Voilà, qui est le groupe de Silvio Berlusconi, qui est mourant. Qui est pas loin, non, parce que c'est Forza Italia. Ah d'accord, voilà. Et effectivement, elle n'a jamais été au pouvoir, et donc en Italie, c'est un peu cette tradition où on a tout essayé, donc on n'a pas essayé ça. Donc on a eu Salvini à un moment donné. La tradition, c'était les pâtes, moi, en Italie, mais bon. Et le café. Et d'ailleurs, en parlant du café en Italie, ce que j'ai appris, c'est que comme ils sont très adeptes du café, hein, en Italie, ah oui, ils adorent le ristretto. Et bah du coup, les Starbucks ferment. Ah bah oui. Parce que ils aiment bien le bon café. Et alors qu'à Nancy, ils ouvrent. Hein. Ah oui. On a déjà deux. Alors bientôt, je sais qu'ils m'ont téléphoné pour en ouvrir un à la place de chez moi. Non. Alors que j'habite au deuxième étage d'un truc, ils ont dit ouais on mettrait bien un petit Starbucks ici et tout. Je dis un nouveau truc. Je dis ok, mais au moins je suis le barista, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Bon bah alors là c'est une question qui est répondue. La question elle est vite répondue. Et voilà, elle a été vite répondue. Je dirais Franguin. Et question suivante. Tu te rappelles du nom de ce gars-là? C'est fort. Oui, ça. Parce que j'ai fait une parodie. C'est pour ça. Ah d'accord. Mais c'est que j'avais regardé, il en a fait plein des vidéos, ce gars-là. Ah, bon, bref, peu importe. Oui, mais il y a eu énormément de parodies, dont la mienne avec les tantans. Enfin, la nôtre avec les tantans. On est au Mans. D'accord? La ville du Mans. Combien d'heures? Et il y a. Mais combien d'heures de quoi? Bah, les 24h. Nous, c'est les 18h. Oh, nous, c'est la matinale de 18h du Mans. 18h du Mans. Tu mens. Tu peux faire un peu l'ordre, Teddy, parce que là, c'est n'importe quoi. Teddy, il ose pas trop. Il voit que Jocelyn. Mais t'inquiète, c'est du fou, c'est du faux, ça, c'est du mou, ça. C'est pas Teddy Riner. Hein? Oh là là. Oh là là. Et. Il y a un distributeur qui a été mis en place par un commerce. Je ne vous dis pas quel est le commerce parce que vous allez tout de suite deviner. C'est un sex shop. C'est un distributeur de quoi? Est-ce que c'est un distributeur de baguettes? Non. Il y en a un à Colombey-les-Belles. S'il y a des auditeurs de Colombey-les-Belles qui nous... Ouais. Ça se mange. Ça se mange, oui, ça se mange. Des pizzas? Non. C'est classique, des ça. Des tartes à thé. Ouais, c'est vraiment un truc... je ne sais pas si ça existe ailleurs que au Mans. Au Mans? Ah, c'est de rillettes. Oh, t'es chiant. c'est ça, en vrai. Pourquoi j'ai redit au Mans en me disant voilà, bonne idée. Effectivement. Mais attends, il distribue les rillettes, mais tu dois mettre ta tartine ta en dessous. Non, tu mets ta main dessous. D'accord. Et... c'est ça, il faut avoir son 250 pain. Grammes de c'est rillettes. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir son pain, sinon ça tombe par terre. D'accord, ok. Il y a une bouse de rillettes. C'est ça. Les gens ne savaient pas, c'est pas indiqué. Des touristes qui n'étaient pas au courant et qui disaient ah, bah c'est ballot. Ah, bah. Voilà. Ah, bah, t'es dedans. Ah bah c'est un animal. Et on pourrait l'importer à Nancy, ça. Tu fais un petit distributeur de quiche lorraine, un petit distributeur de pâté lorrain. On pourrait importer le distributeur, tout bêtement. Ou un distributeur de Mirabelle, en fait. Ça serait un espèce de truc avec un énorme tronc. Pourrait mettre des feuilles ou quoi. Bizarre. Et ça distribue automatiquement les Mirabelles. Une fois dans l'année, quoi. Par exemple. C'est une bonne idée, non. On le mettrait dans son jardin ou quoi. Ah, tu sais, quand tu mets la pièce et que tu tournes et que t'as deux Mirabelles qui descendent. Oui. Tu vois, bah tu fais ça avec des Mirabelles. Ouais, ou tout simplement, genre par exemple, tu prends un ciseau et les Mirabelles, elles pendraient comme ça et tu les prends. Bah, tu les coupes. Mais non. Tu les prends ou tu les coupes ? Incroyable. Tu les prends et tu fais ce que tu veux, quoi. Bah, ouais, fais ce que tu veux. Il y a un noyau dedans. Ouais. Tu l'as dans les Mirabelles ? Bim. Eh oui. On voit que tu viens de Bordeaux, toi. Eh oui, moi je connais que les cannelés, distributeurs de cannelés à Bordeaux. Il n'y a pas de noyau ? Dans les cannelés, non, ils ont arrêté. Ah oui. Les gens n'étaient pas prévenus non plus. Cela dit, ça, et tu pourrais faire ça sous forme de fève. Une fève dans les cannelés. Ah ouais. Hop, ah ouais. Si tu l'as, t'es le roi. Galette des rois, galette des cannelés. Voilà. Le roi canneleur. Le fameux roi canneleur, effectivement. Eh ben écoutez, merci, bravo, vous avez été formidable. Ça m'a tout donné. Hein. Pour trouver aussi rapidement toutes ces questions. Il a fallu même que je recherche d'autres questions parce que vous aviez écumé toutes mes questions. On approche de la fin de cette émission. Un petit jingle. La matinale de 18h, l'émission qui est... bien. Elle motive. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire, c'est pour Camille. C'est la fin de cette émission. Merci autour de la table, James, Teddy et Jocelyn. Oui, Tristan. Nous, c'est on Tristan. Se retrouve. On laisse la place jeudi prochain à la voisinade parce qu'il en faut pour tout le monde. Absolument. Avec Mélie, Camille, Guélon qui sera là, bien sûr. Et je ne sais plus qui d'autre fait partie. Je crois qu'il y a Jacques qui sera là aussi. Tu sais peut-être comment il s'appelle le dernier. La mémoire des prénoms n'est pas mon fort. Il est extrêmement intéressant en termes de jeux vidéo, de jeux de société, oui, c'est oui. Sa chronique. Ouais, mais j'ai un doute. En plus, je l'ai croisé, mais je sais plus son nom, donc je vais pas dire une bêtise. Oui, moi j'ai vraiment du mal. Je m'excuse auprès de lui s'il nous écoute, mais de toute façon, je pense qu'il nous écoute pas. Mais voilà. Oui, il m'a dit clairement qu'il nous écoutait pas. Sur ce, ciao et à bientôt. Salut, passez bisous. Une bonne journée. Au revoir. Et une bonne soirée.